L'actualité à Nancy et ailleurs. Le 27 avril prochain, une usine dédiée à la fabrication de jeux de société ouvre ses portes en France et plus particulièrement tout près de Nancy, à Oudemont. Timothée Leroy est cofondateur de Blue Orange, basé à Pont-à-Mousson, et c'est l'un des initiateurs du projet Game in France. Bonjour Timothée. Bonjour. Alors concrètement, qu'est-ce qui vous a amené, incité, vous et Blue Orange, à cofonder Game in France? Et c'est quoi le constat de départ? L'initiative vient d'une personne qui travaille pour l'État, qui s'appelle Pierre-Yves Boiffin, qui était venu nous voir, d'autres des éditeurs comme Yellow à Nancy et nous-mêmes, Blue Orange, pour constater quelque part que le jeu de société sur la région Lorraine était quelque chose de fort. Et il avait envie qu'on fasse quelque chose de spécifique en région. Et il a mis pas mal de projets sur la table, dont celui de la création, pourquoi pas, d'une usine de relocalisation de jeux de société sur le marché français. Et j'avoue qu'au départ, moi, j'y croyais pas, mais il nous a fait mettre le dossier sur la table, y travailler et se rendre compte, mois après mois, projet après projet, qu'il y avait quelque chose de très sympa à faire. Parce qu'aujourd'hui, 99% des jeux de société sont fabriqués à l'étranger, c'est ça? C'est ça. Je pense que c'est un bon pourcentage. Moi, je dirais qu'il y a 80% des jeux qui sont fabriqués en Asie, oui. Et 20% en Europe et surtout en Pologne. Alors vous l'avez dit, hein, Game in France, c'est un projet collectif. Hein, qui sont les autres acteurs autour de la table et comment vous avez réussi à fédérer tout ça? Quand on a commencé à travailler sur le projet, on s'est rassemblé entre plusieurs acteurs du secteur ou pas du secteur. En fait, on est à la fois avec le groupe EBRA, donc le président du groupe EBRA, Christian Molinari, qui est le président de l'Union des éditeurs de jeux, mais qui est aussi un éditeur de jeux et qui a toujours œuvré pour le Made in France de son côté, en essayant pour d'autres éditeurs jusqu'ici de faire des boîtes dans une usine, de faire des cartes dans une autre et de rassembler tout ça comme c'était possible jusqu'ici. Et enfin, Hugues Béchel, qui est un ancien directeur d'usine de cartes à jouer. On a bossé tous les quatre pendant des années sur le projet et on a eu le soutien par contre de nombreux éditeurs de l'État et de la région. Oui, effectivement, il y a eu le soutien de France 2030, même de la région Grand Est, c'est ça? Tout à fait, c'est à la fois l'État et la région, avec le plan France Relance 2030, donc qui est un plan pour la relocalisation en fait des usines en France. On a eu également pas mal de business angels, enfin d'investisseurs qui se sont retrouvés très intéressés par le projet. Une vraie aventure collective donc qui va se concrétiser encore plus le 27 avril prochain. Alors un éditeur qui va venir fabriquer chez vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va gagner par rapport à une commande en Asie? Il va gagner de la sécurité, il va gagner du temps et il va gagner la notoriété, le fait de faire du Made in France. Mais c'est vraiment pas ce qu'il recherche en premier. La première chose qu'il va gagner, c'est aujourd'hui, on le voit bien, quand on fait en Chine, entre le temps de production et le temps de transport, quand il n'y a pas un problème autre, c'est 3 à 4 mois. Donc il faut commander 3 à 4 mois les jeux en amont avant de les recevoir et de pouvoir commencer à les vendre. Et ça occasionne pas mal de problèmes et de coûts cachés, j'ai envie de dire. Que ce soit des ruptures de stock, où on a commandé, je sais pas moi, 5000 jeux en Chine, le jeu marche très bien, on vend tout au bout de quelques semaines. Eh ben, du coup, on se retrouve 3-4 mois sans vendre aucun jeu parce qu'il faut reproduire le stock. Ou inversement, quelqu'un qui a peur de se retrouver en rupture de stock, eh ben, ça peut être du surstock parce qu'on se dit il faut que je tienne de toute façon 3-4 mois, donc je vais produire beaucoup plus. Et avec l'usine en France, c'est beaucoup plus simple de se dire nous allons faire des plus petites quantités, mais plus régulières. En fait. Et également, en fait, nous, chez Game in France, on essaye de se spécifier dans certains formats de boîtes et certains formats de cartes. Et pour permettre aux éditeurs, sur ces formats-là, d'avoir des prix compétitifs, j'ai envie de dire, malgré le Made in France. Voilà, d'avoir certains standards. Exactement, une stratégie de standardisation. De créer une entreprise Game in France près de Nancy, ça va nécessairement, inévitablement créer des emplois au niveau local. Alors, quels sont les profils des personnes qui vont être embauchées? Il y a déjà des embauches. Hein. Il y a des personnes en supply chain. C'est surtout des régleurs et des opérateurs de machines. Il y a également une personne à la compta, une personne au commerce. Et puis, plus l'usine va progresser, les emplois seront divers. Alors, j'avais vu en préparant aussi que vous prévoyez aussi de prendre des personnes en situation de handicap. Tout à fait, oui, on va travailler en fait avec un ESAT. Une fois que les boîtes sont produites, les cartes sont produites, la mise en boîte, la finalisation de la mise en boîte, ça fait par des personnes en situation de handicap qui travailleront directement dans les locaux de l'usine. Alors le 27 avril, c'est l'inauguration. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là et qu'est-ce que ça représente pour vous après tout ce travail déjà réalisé ? Ah, ça représente beaucoup, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'échanges. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un moment de fête où on va pouvoir, avec toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui croient en notre projet, le fait que ça y est, ça démarre enfin. Et puis, ça sera aussi l'occasion pour les éditeurs qui sont invités là, de leur montrer notre savoir-faire et de les convaincre de travailler avec nous dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Game in France ? Écoutez, que ça continue comme c'est parti là, et plein de succès, plein de jeux produits, et puis de voir plein de jeux de société fabriqués en France sur nos étals. Merci beaucoup Timothée. Avec plaisir, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.